À Kazé, point important de l'Afrique centrale, le docteur descend, soigne un des chefs qui souffrait en fait d'une ivresse perpétuelle, puis le Victoria reprend sa route.